Rends-toi! Fais pas le con! De toute façon, tu vas te faire piquer. Toute résistance est inutile. Tu ne feras que retarder l'échéance au prix de vies humaines qui pèseraient lourd devant un tribunal. Sors les mains en l'air et la justice t'en tiendra compte. Il ne se rendra pas, c'est un forcené, un fou furieux, nous le connaissons bien. Allez, faites donner l'assaut, mon cher ministre. Ben, laissez tout de même mes hommes discuter, pour la forme. Ma parole, monsieur le ministre de l'Intérieur, vous traitez ce bandit comme un fédaïne? Ben, offrez-lui un Boeing 707 pendant que vous y êtes. Franchement, votre manque de fermeté nous choque beaucoup. Bon, c'est bien parce que c'est vous. Bonneville, dites à vos hommes de faire leur devoir. À vos ordres, monsieur le ministre. Capitaine, vos hommes sont prêts? Bon, alors allons-y, on donne En avant! Messieurs! Les trois coups. Avis à la population, tous les citoyens sont priés de noter que le carnaval aura lieu cette nuit. Remontez vos manches. Il y aura de la musique, des danses, un spectacle, tout ce qui fait un carnaval. C'est un ordre. Follow my templates, which I don't play. Press your L up in your face, don't take a 606. Keep that 12 next, I'll get king with a DS. Keep one out to let you wait, I really talking to face VST. With the hyper prism lights, make the kids go crazy. You can see it in their eyes. Now it's the 606, 606 with the hybrid car back for a world up with. Please don't make that girl scream, use a wolf. Only say one, with a piece of his like one, take me down, turn. And look at that, please turn out the hunt, just hang around. Now it's the kids, that is what the tech is when he was fighting one by and with one. Bonsoir. Bienvenue dans notre histoire. Une histoire qui est celle de chacun. Celle de celui qui s'arrête un instant et médite sur l'avenir de notre monde. Sauveur est né. Stop Select.

gotta make it rip. What you gotta make it Let's stop talking about gotta keep my business sound. You can't tell me what I'm doing wrong when you keep jiving and singing that same old funny song. You can't tell me which way to go, 'cause three times seven and then some more. You can't tell me, hey, like a dull knife, you just ain't cutting, you just talking loud and say nothing, just say nothing, what? Just say nothing. Don't tell me how to do my thing when you can't do your own. Don't tell me how to be a boy when you know I'm grown. You can't use me like a woman when you throw away her dress. Que nous veux-tu, créature céleste? Mesdames, messieurs, voici quelques informations concernant votre vol. Nous avons maintenant atteint notre altitude de croisière de 29 000 pieds, c'est-à-dire 8 839 mètres. Notre vitesse est de 480 nœuds, c'est-à-dire 890 km/h. La température extérieure est de moins 40 degrés. T'as peau hydratée, ta gaine coquette, tes bas remaillés, ton rouge onctueux, ton teint de jeune fille, ta perruque postiche, les yeux fermés, j'achète, j'achète, j'achète. Les yeux fermés, j'achète tout. Les yeux fermés, j'achète tout. Ton peigne soufflant, ton coton fraîcheur, ton shampoing traitant, ton pull lumière, ta fibre synthétique, ton maquillage actif, les yeux fermés, j'achète, j'achète, j'achète. Les yeux fermés, j'achète tout. Les yeux fermés, j'achète tout. Thank you.

Non, je vais lui faire sauter la gueule à ce fumier. Ils nous ont appris à faire les cocktails Molotov, vous le savez. C'est ça, mon fils. Mets-lui le feu. Démolis-le, ce tordu. Bravo, tu fais dans le porno maintenant. Érotisme culturel, mince. Tu es le spawn of the coach. Shut up, bitch. Je pense que c'est bon.